Ouais, j'ai mis la France sur écoute. J'utilise la rime, tendez les oreilles. J'fais passer mon message, tout s'aggrave, tout s'achète. Merde, j'crache sur la déprime, j'vis avec mes peines. Authentique et instable, en cabage, la vie dans les ternes. C'est tout frais, comptabilise mes flots. Si mon style vient te lasser, j'innoverai pour faire ce qu'il faut. J'prends du poids dans ce que j'œuvre. J'écris tous les jours, j'fais mes pompes et mon taf, y'a des albums en cours. J'préfère me faire discret, on te laissera le trône. J'traîne dans le café du coin, j'vis avec ces sales gosses. J'ai des histoires en pagaille, ranger les glocks. Ça pardonne pas, enfile le casque, c'est Nord qui régale. On vit une sale époque, ça traîne pour des sacs. Ça se déchire les narines dans les shots et ça traîne au cristal. Ça vise les steaks sans même savoir d'où ça vient. Rien que ça pue, rien que ça se plaint, y'a que des dingues. Et fais tourner le son, pas que dans ma zone, non. On vient bourrer les zones, chauffer notre époque. Faut que tu consommes, c'est du Nord, c'est du ça. J'ai mis la France sur écoute, j'viens pour avertir mes sables. Et fais tourner le son, pas que dans ma zone, non. On vient bourrer les zones, chauffer notre époque. Faut que tu consommes, c'est du Nord, c'est du ça. J'ai mis la France sur écoute, j'viens pour avertir mes sables. J'viens apporter toutes les histoires de ma ville, faire chanter toutes ces rues qui transpirent l'illicite. Entre les cloches et les blocs, les gars qui chôment, les voyous, ceux qui tournent en crosse accompagnés d'une folle. Les mauvaises pioches, les gars qui purgent leur peine. Ça sonne en gros cul, ça soulève, ça t'effraye. Collé au comptoir, 6 bouteilles au compteur. Toujours une petite bagarre avant de finir à l'hôtel. Les acteurs, les mythos gonflés aux haltères. Les cordes municipaux crevés à la bière. Ceux qui défendent le secteur, ceux qui se tapent, qui s'abstèrent, gardent la forme, qui n'ont jamais peur. Jamais. Prends le rythme, 137, la richesse qui m'anime. Celle qui fait parler mon rap et ton vinyle. Marignane, des descentes, des décès, c'est le désordre. Ça charbonne des descentes pour assurer l'été. Et fais tourner le son, pas que dans ma zone, non. On vient bourrer les zones, chouper notre époque. Faut que tu consommes, c'est du Nord, c'est du ça. J'ai mis la France sur écoute, j'viens pour avertir mes sables. Et fais tourner le son, pas que dans ma zone, non. On vient bourrer les zones, chouper notre époque. Faut que tu consommes, c'est du Nord, c'est du ça. J'ai mis la France sur écoute, j'viens pour avertir mes sables. Si j'ai pris perpète, c'était voulu. Ne mélange pas la casquette et le serre-tête. J'étais pas le flow, mais tout nu. Attends, t'envoies ce que j'arrive. T'étais droit, j'ai mis le tarif. J'ai même de la rime dans mes narines, ça devient terrible. J'suis coté comme le tabac, j'prends du grade, j'te tabasse. J'suis une carotte pour l'état, vas-y, imite ma vibe. Pas besoin d'être sapé large. Mon rap c'est sur vête, jean, béret ou casquette sur beat ou même a cappella. Éteins ton phone, j'ai mis la France sur écoute, j'pleure de rire tous les jours. J'm'entoure mes gars pour pas devenir fou. Appelle ta bande, dis-leur que Nord est bientôt sur scène. Presse la détente sur ta tente, si tu te sens trop faible. J'travaille pour la forme, j'ai plus d'une carte à mon jeu. Au corps à corps, j'te montre ma mode, engage toute ta meute. J'rappe le rock, le hard, le métal. Que tu sois rose, que plat ou tout jaune, j'fais passer le message. Et fais tourner le son, pas que dans ma zone, non. On vient bourrer les zones, chauffer notre époque. Faut que tu consommes, c'est du Nord, c'est du ça. J'ai mis la France sur écoute, j'viens pour avertir mes sables. Et fais tourner le son, pas que dans ma zone, non. On vient bourrer les zones, chauffer notre époque. Faut que tu consommes, c'est du Nord, c'est du ça. J'ai mis la France sur écoute, j'viens pour avertir mes sables. Et fais tourner le son, pas que dans ma zone, non. On vient bourrer les zones, chauffer notre époque. J'ai mis la France sur écoute. J'pleure de rire tous les jours. Et fais tourner le son, pas que dans ma zone, non. On vient bourrer les zones, chauffer notre époque. Faut que tu consommes, c'est du Nord, c'est du ça. J'ai mis la France sur écoute, j'viens pour avertir mes sables. 137 papa.